les phares. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants avec un doux sourire, tout chargés de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christs et se lever tout droit des fantômes puissants qui, dans le crépuscule, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suramassais la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres, comme des papillons errent en flamboyant, des corps frais et légers, éclairés par des lustres, qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. Delacroix, lac de sang, hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit par mille labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.